Onze trente, activation orale, pronom personnel, objet direct. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Vous trouvez Jean-Pierre intéressant? Et vous répondez? Non, il nous ennuie. 2. Tu trouves Jean-Pierre intéressant? Non, il m'ennuie. 3. Mireille trouve Jean-Pierre intéressant? Non, il l'ennuie. 4. Et Robert trouve Jean-Pierre intéressant? Non, il l'ennuie. 5. Ses amis trouvent Jean-Pierre intéressant? Non, il les ennuie. 6. Vous trouvez Jean-Pierre intéressant, vous deux? Non, il nous ennuie. 7. Et moi, est-ce que vous pensez que je trouve Jean-Pierre intéressant? Non, il vous ennuie.